te voler. À nouveau la pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail, tu n'as pas le moral. Tu et tes fourmis deviennent cigales. Le meilleur moyen d'aimer la vie, c'est la musique. C'est bon quand elle joue comme aujourd'hui dans notre équipe. Qu'est-ce qui nous rapproche des jours heureux? C'est la musique. Même avec des larmes aux yeux, on chante et ça va mieux. Sans amour, les départs sans retour, pour tous les silences qui nous tournent autour. J'ai la bonne solution, simplement remplaçons notre envie de rien par une chanson. Le meilleur moyen d'aimer la vie, c'est la musique. C'est bon quand elle joue comme aujourd'hui dans notre équipe. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gémozo. Vous êtes sur le 107 FM. Vous nous suivez également sur le web www.radiogémozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Bonjour le Québec, la Suisse, la Belgique et l'Italie. Un petit coucou au fan club des années bonheur. Je voudrais faire aussi un petit coucou à mon ami Thierry Brenner. Et bonjour la technique, bonjour Mika. Bonjour à tous, salut Gilou. Comment vas-tu Mika? Très bien. Très très bien. Pour cette émission spéciale? Émission spéciale, ah oui, bien sûr. On va faire un hommage donc à Johnny. Alors vous êtes avec Gilou dans les années bonheur, je vous accompagne avec la plus belle musique jusqu'à 17h30 en direct. Alors cette semaine, je précise bien, je suis bien dans les studios. La semaine dernière, on a fait une rediffusion et puis alors j'ai, dans cette rediffusion, enfin, il y a eu des messages qui sont passés, il y a eu des appels, enfin pas à la radio mais donc chez moi. Alors maintenant que je suis en direct dans les studios, j'aimerais bien avoir ces petits messages. Et ces petits coups de fil en direct, voilà. Tout ça pour rire un petit peu. Donc vous pouvez m'appeler au 03 29 62 40 40. Alors pour cette émission dédiée à Johnny Hallyday, pour lier un an de sa disparition, aussi, ainsi qu'un hommage de Sylvie Vartan de par son nouvel album intitulé « Avec toi », petit point, où elle reprend les grands standards de celui qui fut son premier amour. J'ai tenu aussi, donc, pour cette émission et cet hommage, à rester dans les années 60 et 70 pour garder la magie de cette époque avec les deux icônes qui étaient Johnny et Sylvie. Concernant les chansons Johnny et Sylvie en duo, les duos, un témoignage de Sylvie, une des dernières chansons de Johnny et le tout nouveau titre de David Hallyday, pour terminer, une chanson qu'il a écrite pour son père. Voilà. On va commencer tout de suite avec ce message de Sylvie et Johnny. Voilà. Au fil du temps qui passe, je repense à ma vie comme à cette chanson des Beatles, faite d'images en noir et blanc et en couleur. Et plus je l'écoute, plus elle me renvoie à des souvenirs de ville, de musique, de visage. Et à tant d'émotions à jamais gravées dans mon cœur. Celle d'un premier amour, si pur et si douce, et comme la promesse d'un voyage. On ne le vit qu'une seule fois, et j'ai connu ce bonheur avec toi. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit. Avec toi, elle paraît si belle. Retiens la nuit. Mon amour, qu'elle devienne éternelle. Pour la bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures. Je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit. Ne me demande pas d'où me vient ma tristesse. Ne me demande rien, tu ne comprendrais pas. En découvrant l'amour, je prône la détresse. En croyant tout bonheur, la peur entre en mes joies. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et ne fasse oublier la vie. Retiens la nuit. Avec toi, elle paraît si belle. Oh, retiens la nuit. Mon amour, qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures. Je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit. Oh, je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit. Le décès de Johnny Hallyday remit la lumière sur le couple légendaire qu'il a formé avec Sylvie Vartan. Pour ses 50 ans, celle-ci avait fait frissonner le taulier et 180 000 spectateurs. Les Américains disent qu'ils ont formé le Golden Couple of France, le couple d'or français. Ils ont vécu presque 20 ans ensemble, mariés 15 ans. La légende du couple Sylvie-Johnny semble éternelle. Après le décès de Johnny, Sylvie dit avoir le cœur brisé comme tous les Français. Mais plus que quiconque, Sylvie a connu Johnny dans son ascension. Ils étaient tous les deux les stars des 60s, pardon, et des 70s. Ils ont chanté ensemble sur scène très souvent à l'Olympia, en 1967 pendant 3 semaines, à guichet fermé. En 1973, lors d'une tournée avec un minimum de 30 000 spectateurs par soir, atteignant même 70 000 à Athènes. Cette même année, ils chantent « J'ai un problème », l'une des plus grosses ventes de Johnny et Sylvie. 1 million de disques vendus en France. En Italie, ils se retrouvent dans les arènes de Béziers et Orange durant l'été 1980, juste avant de divorcer, devant une foule en transe. Malgré leur séparation, ils sont restés très proches et ont continué à chanter ensemble. Le couple a fait frissonner 180 000 spectateurs au Parc des Princes pour les 50 ans de Johnny en juin 1993. Sylvie chante a cappella « Tes tendres années » devant un Johnny ému chaque soir. On se souvient. Tu me dis que tu l'aimes, je sais, tu dis vrai, et pourtant, moi je t'aime bien plus fort en secret. Un matin, quand elle partira, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Dans tes yeux, la lumière n'est là que pour elle. Le sais-tu, la lumière, ce n'est pas éternel. De ne voir en elle que l'espoir au jour des regrets. Oh, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Si mon cœur ne peut être pour toi le premier, oh, j'attendrai afin d'être dans ta vie la dernière. Je serai loin des souvenirs pour te faire oublier tes tendres années. Je serai dans ton avenir, loin des souvenirs pour te faire oublier tes tendres années. Merci. Happy birthday, Johnny. Voilà, beaucoup d'émotions dans ce duo. Je veux dire, donc c'était au Parc des Princes en 1993, pour tous ceux qui l'ont vu. Voilà, c'était un beau moment, et puis une belle émotion encore pour Johnny. Alors, j'ai oublié tout à l'heure, je fais des bisous à la team Gilou. Alors, c'est pas la team, enfin, ça peut être la team communication aussi, bien sûr. Mika, je te dis bonjour, en fait. Mais oui, bien sûr, oh là là. Donc je fais les petits bisous à ma petite équipe, voilà, je ne désespère pas une fois à entendre sur les ondes la voix de mon ami et agente Lynn Massé, que vous connaissez tous hein, maintenant, voilà, on désespère d'avoir un petit mot de sa part une fois à diffuser sur les ondes, voilà, je sais qu'elle écoute. Alors on va passer maintenant à Johnny, qui nous chante, ben, toujours en live, au Parc des Princes, est l'idole des jeunes. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envient. Mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Je cherche celle qui serait mienne, mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne, je ne fais que passer. Dans la nuit, je file seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. J'ai bien la fortune et plus, et mon nom partout dans les rues. Pourtant je cherche tout simplement l'amour. Dans s'éteignent les projecteurs, soudain sur moi elle se jette, épagée dans mon cœur. Dans la nuit je file, tout seul ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. Spectacle terminé, s'en aller. m'appelle l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envie. Mais s'il pouvait savoir dans la vie combien tout seul je suis, combien tout seul je suis. L'idole des jeunes Johnny. Voilà, tout le monde se souvient de cette traversée du stade du Parc des Princes en 93. Mika, si tu veux intervenir, il n'y a pas de souci. Oui. Je t'écoute. T'as vu que j'étais dans les starting blocks? Oui, je voyais ton sourire. Je me dis, ça y est, Mika va me dire quelque chose, pas de problème. La chanson que tu nous as fait entendre, c'était celle qui ouvrait le concert. Exactement, les concerts du Parc tout à fait. Des Princes, juste après l'entrée que oui, tu viens d'évoquer. Tout à fait, c'est ça. Et donc, Johnny a traversé ce stade. C'était impressionnant. Et pour la petite anecdote, un petit peu avant la préparation donc de ce grand concert, Johnny et puis tout son staff, notamment avec comment il s'appelle Camus, son producteur, se demandaient de quelle façon il allait arriver, puisque Johnny faisait toujours des entrées assez fantastiques sur scène. Et donc, ils étaient tous en réunion comme ça, et Camus se retourne et dit, tiens, Johnny, on a pensé avec tous les membres, tu pourrais peut-être traverser le Stade de France, le Parc des Princes, à pied, pour rejoindre la scène. Johnny a mis quelques temps un petit peu avant de répondre, et dit, ah oui, ok, pourquoi pas. Et quand il est arrivé, il était même, je crois, il était poussé avec Eric Bami, qui était à l'époque encore sa deuxième voix, qui était sur scène encore avec lui, et il lui a dit comme ça à l'oreille, mais qui c'est du con qui a eu l'idée là. Voilà, c'était la petite anecdote. Voilà, un petit peu d'humour quand même dans cette émission. Voilà, et puis pour ceux qui ont vu les images, hein, même tu parlais du producteur Jean-Claude Camus. Ah oui, Camus aussi. Il a aussi même failli laisser sa peau parce qu'il était avec Johnny, il ouvrait la marche. Oui, oui. Avec les gardes du corps, qui avaient du mal aussi. Pourtant, c'est leur métier, ils étaient barraqués. Oui, je ne sais plus comme ça combien de temps ils ont mis pour traverser le stade. Mais c'est vrai que c'était un moment vraiment qui a marqué dans ce fabuleux concert du Stade de France, quoi. Alors là, je voudrais vous lire un petit mot, là, c'est sur, sur le Facebook de Sylvie Vartan. Voilà. Je vous lis rapidement. Après avoir partagé tant d'années de lumière et la même passion dévorante pour la musique et la scène, il était impensable pour moi de ne pas rendre hommage à Johnny. Vos marques d'amitié et votre ferveur lors des concerts du Grand Rex m'ont beaucoup touché. Il faut savoir que Sylvie avait déjà fait une tournée au Grand Rex avant de sortir cet album. Mais dans cette tournée, elle avait consacré bien sûr 30 minutes à Johnny. Voilà, je reprends donc. Vos marques d'amitié et votre ferveur lors du concert du Grand Rex m'ont beaucoup touché et m'ont convaincu de garder une trace de ces moments partagés sur scène avec toi. Petit point. Sont aujourd'hui, et les chansons choisies ainsi que leur histoire ont une résonance très forte en moi. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à poser ma voix sur les mots de Johnny. Signé Sylvie. On entendra plus tard dans l'émission, on l'entendra parler, Sylvie. Voilà ce que je voulais dire. Et donc on va écouter maintenant Sylvie, donc avec cette chanson « Quand revient la nuit ». Je m'ennuie, je pense à toi. Quand revient la nuit, la lune qui brille, tu la vois aussi, mais trop loin de moi. Je m'ennuie, et si le temps fort que jamais. Je veux t'aimer. Revient la nuit. Alors, cette chanson a été bien sûr enregistrée par Johnny lors de son service militaire qu'il a effectué en Allemagne à Offenbourg. Donc c'était en 1965 si je ne me trompe pas. Alors, j'avais un autre petit message, je vous le livrerai tout à l'heure. Alors là on va écouter Que je t'aime. Voilà, et on en reparle après. Tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été, et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts. Se fait douce quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne, et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes. Un grand titre là dans le répertoire de Johnny Hallyday, hein, Que je t'aime. Alors Johnny va rester 11 semaines en tête. J'ai pas ce qu'il a, mon stylo, il fait des fautes. En tête des hit-parades. Le 45 tours se vend à 820 000 exemplaires. C'était déjà pas mal hein, pour cette époque, c'était énorme, les ventes comme ça de 45 tours hein, simplement, comme on aurait dit après plus tard des singles, c'est vrai. Hein. Alors on écoute maintenant... Justement je te coupe parce oui, que j'allais dire t'as un problème. Ah, mais... ah quand t'as eu oui. petit souci, ça tombe bien non. Oui, donc on écoute Sylvie et Johnny, j'ai un problème. Dis-moi pourquoi tu es mon seul problème. Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci. On récolte la vie que l'on sème. Mais quand vient l'amour, on est un peu surpris à cause de toi. Je ne suis plus la même. Oh, moi par ta faute, j'ai changé aussi. Je ne sais pas où ça nous entraîne. C'est la chance ou bien c'est de la folie. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. Si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. Oh, j'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. Ces mots-là restent toujours les mêmes. C'est nous qui changeons le jour où on les dit. J'ai un problème, j'ai bien peur que je t'aime. J'ai un problème, j'en ai bien peur aussi. En perdant, on y gagne quand même. Et puis après tout, on n'a pas choisi. Tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. Si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. Si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. Si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble. Voilà, j'ai un problème. Alors là, j'ai une petite anecdote. Quand Sylvie et Johnny ont enregistré ce 45 tours, et c'était bien sûr dans l'année, c'était l'année 73, et il y avait eu beaucoup de duos. Il y avait eu Ringo Shella, il y avait Stone Chardin qui avait fait et sur le coup, ils n'étaient pas très d'accord. En fait, pour faire ce duo, et c'est Jean Renard, le compositeur, qui a insisté pour qu'il fasse ce duo. Mais ce qui s'est passé en studio, ils avaient chacun un grand fou rire tous les deux. Ils n'arrivaient pas à enregistrer, à chaque fois qu'ils se regardaient, ils avaient le fou rire. Donc ils ont dû enregistrer chacun leur voix dans un studio différent. Voilà, ils n'ont pas pu faire la chanson tous les deux ensemble parce qu'ils avaient le fou rire, en fait, pour cette chanson. Mais à l'époque, le couple capotait déjà, non ? Je crois déjà, oui, que ça commençait déjà un petit peu, oui, à capoter, comme tu dis. Alors, j'ai un petit message, là, Janine Anto. Alors, rien ni personne ne pourra effacer ces tendres années. Magnifique, inoubliable, Johnny et Sylvie, que du bonheur. Voilà. Merci. Alors, là, on va écouter une belle chanson aussi de Johnny, Derrière l'amour. On l'écoute, et je vous en reparle après. Derrière l'amour. Il y a toute une chaîne de pourquoi. Question que l'on se pose. Il y a des tas de choses des pleurs qu'on garde sur le cœur, et des regrets et des rancœurs, des souvenirs éblouissants et des visions de néant. Donne-moi, donne-moi ton cœur pour y vivre et pour y mourir. Aime-moi, aime-moi plus fort. Empêche-moi. Amour, qu'est-ce qu'il y a? Qui est cette femme auprès de moi? Quand tu me dis je t'aime, est-ce bien moi que tu aimes? Et lorsque tu me fais l'amour, est-ce que tu fais vraiment l'amour? Derrière ce grand rideau noir, tu m'interdis d'aller voir. Donne-moi, donne-moi ton cœur pour y vivre et pour y mourir. Derrière l'amour. Voilà, je fais un petit bisou à Dani, une fidèle auditrice qui nous écoute. Alors Dani, écoute, on a eu une petite coupure légère, voilà, je ne sais pas maintenant, ça devrait remarcher. Voilà. Exclusivement sur Internet, pour ceux qui nous écoutent. Oui, bien sûr, oui. Il n'y avait pas de soucis. Il faut peut-être que tu changes ton ordi, Dani. Alors, on vient d'entendre ce titre, hein, Derrière l'amour. Johnny obtient la place numéro 1 en ce mois de juillet 76. Et joue sur deux tableaux avec son double hit single. La face A, Derrière l'amour, s'impose comme le slow de l'été. Et la face B, joue pas de rock'n'roll. Au final, le 45 tours est disque de platine, 650 000 exemplaires. Voilà ce que je voulais dire. Alors on écoute une autre chanson. Toute la musique que j'aime, pardon, interprétée là par Sylvie Vartan.

Là, Johnny revient un petit peu, hein, on en parlait un tout petit peu en aparté, dans le duo qu'ils font en 1973, Johnny et Sylvie, là, ils sont un petit peu tous les deux un peu au creux de la vague, et ça les remet un petit peu sur scène avec ce duo. Voilà. Alors, on va écouter Johnny et Sylvie, tous les deux, sur ce titre, Gabriel. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit, et entendre la vie et le plus souffler sous tes cris. Oh, fini, fini pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine, force de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. Refuser, mourir d'amour enchaîné. Gabriel, tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes, c'est la voix d'une enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Je veux t'expliquer, tu confonds le jour et la nuit, toute la nuit. Oui, je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Oh, sais-tu vraiment ce que tu veux faire? Je ne serai plus l'esclave de ta chair. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour faire de l'amour. Et moi de chance à celui qui veut ma place, oui ma place. Oui, 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour faire de l'amour. Oui, j'ai refusé mourir d'amour enchaîné. Oui, j'ai refusé mourir d'amour enchaîné. Oui, j'ai refusé mourir d'amour enchaîné. Voilà, Gabriel. Vous ne voyez pas, amis auditeurs, auditrices, mais nous sommes à fond avec Mika là, sur cette chanson. Hein. Mourir d'amour enchaîné. Qu'il faut faire sur cette chanson. Ouais. Les poignets en croix. Les poignets en croix, et puis en l'air, comme ça. Voilà. Alors, Mika, merci. Je voulais dire merci. De rien. Pour cette chanson. C'était pas proprement dit un duo comme tu l'as annoncé. C'était les deux versions. Les deux versions, voilà, ouais, c'est vrai, qui ont été remixées par Mika. Enfin, ou mixées, ou mises ensemble, comme vous. Voilà. En tout cas, merci. Alors, en 1978, on remonte un petit peu le temps, hein, un titre tiré de son nouvel album, donc, qui s'intitule Hollywood, avec cette chanson Le bon temps du rock'n'roll. Mais Johnny est allergique au disco, puisqu'on est dans les années 70, 18, et là, il y a le disco. Donc Johnny joue sur la nostalgie et proclame qu'il préfère le bon temps du rock'n'roll. Voilà le bon temps du rock and roll, Johnny. Alors maintenant, on va écouter un petit bout d'interview de Sylvie Vartan, donc qui parle de Johnny. On écoute. Elle a formé avec Johnny Hallyday le couple le plus iconique des années 60. De cet amour est né David, mais même séparés, ils n'ont jamais cessé de chanter ensemble. Il était donc impensable que lors de son prochain concert sur la scène du Grand Rex, Sylvie Vartan ne rende pas hommage à son amour de jeunesse, disparu le 6 décembre dernier. Sylvie Vartan est ce soir notre invitée. Bonjour. Soyez la bienvenue. On est très heureux de vous accueillir. Bonsoir. Jean-Michel. Au Grand Rex, le 16 mars, pour un concert exceptionnel, Sylvie Vartan sur scène. Je dirais que c'est d'une reprise, mais enfin, il sera exceptionnel par certains côtés. Déjà parce que ce Grand Rex, il a une place particulière, cette salle a une place particulière. Vous y étiez une petite fille. Oui. C'est magnifique cet endroit. Un endroit magnifique pour un hommage particulier à Johnny Hallyday d'une trentaine de minutes en chanson et en image que vous avez choisi avec un soin particulier. Mais je ne vais pas tout dévoiler, vous savez que je suis un peu secrète. On a tellement chanté ensemble, dites-vous, tellement de souvenirs, tellement de soleil. On imagine l'émotion. Je suis très émotive et... Bon, mais enfin, je ne me voyais pas aborder mon tour de chant comme ça, sans rien faire. C'était impossible pour moi. Le 6 décembre dernier, le jour de la disparition de Johnny, vous avez eu ces mots dans un communiqué à l'AFP. « J'ai perdu l'amour de ma jeunesse et rien ne pourra le remplacer. » Vous étiez apparu bouleversé le 9 décembre dernier à l'église de la Madeleine, mais comme des millions de Français qui s'étaient amassés autour de l'église pour accompagner Johnny. Voilà donc de la voix de Sylvie Vartan. J'avais cité tout à l'heure son message sur Facebook, mais voilà, là je voulais qu'on écoute voilà sa voix dans ce petit bout d'interview. Alors on va l'écouter là maintenant sur ce titre « J'ai pleuré sur ma guitare ». Si tu reviens un jour marcher sur les traces de notre amour, tu ne trouveras plus ton chemin. Si un jour ici tu reviens, tu verras la maison comme moi. Elle a son cœur à l'abandon, et ses portes ouvertes à tous les vents. Ne cherche pas plus longtemps. J'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire, et peu toujours un peu sur les chagrins. Parti trop tôt, tu es venu si tard. Je ne sais même pas où va ce train. J'ai attendu longtemps, guettant ta voix dans la voix du vent, ton image dans l'eau. Et ton parfum dans les champs. J'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu sous les chagrins. Tu es parti trop tôt, tu es venu si tard. Je ne sais même pas où va ce train. Tu es parti trop tôt, tu es venu si tard. Je ne sais même pas ce train. Oh, j'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Pleut toujours un peu sur les chagrins. Ce train. Voilà, Sylvie, j'ai pleuré sur ma guitare. Alors, je vais parler un petit peu maintenant des duos. Donc, ça n'a pas été seulement qu'avec Sylvie, hein, que Johnny a fait des duos. Alors là, j'ai quelques chiffres. Johnny a fait 542 duos avec 187 partenaires sur 213 chansons. Ah, c'est énorme. C'est énorme, hein, c'est vrai. Alors, on va écouter maintenant « J'ai oublié de vivre ». Et là, c'est un duo avec Julio Iglesias. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. Force de laisser la sueur brûler mes yeux, oh, à force de crier mon amour jusqu'aux cieux, à force de jeter mon cœur dans un micro portant les projecteurs comme une poire dans le dos, j'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre, on oubliait de vivre, ça c'est bien, on oubliait de vivre. De courir la terre comme un éclair, brisant les murs du son en bouquet de laser. À force de jeter mes trésors au brasier, brûlant tout en un coup pour les faire crier. De tanto ocultar la verdad con mentira, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nada ofrecía, hoy me toca llorar de que siempre ofrecía. J'ai oublié de vivre, nous avons oublié de vivre, nous avons oublié de vivre, t'as oublié de C'est une surprise qui me touche profondément, Johnny, parce qu'on est très copains depuis longtemps. C'est j'écoute ta voix et paf, je te remercierai toute ma vie. Ça. De toute façon, nous, quand on parle souvent de la solitude, il faut que je vous dise aujourd'hui que je vous... Je crois que la solitude dans notre métier existe, mais en tout cas pas en ce qui nous concerne. Et surtout quand on voit que les artistes français, que vous êtes venus tous avec nous, c'est vraiment quelque chose que je n'oublierai jamais. Merci beaucoup et À toujours. Merci beaucoup. Et merci à toi d'être venu. Merci beaucoup, Johnny. Voilà, j'ai oublié de vivre un beau duo avec Julio Iglesias. C'est un 45 tours récompensé par un disque d'or, 630 000 exemplaires vendus. Depuis ce hit, cette chanson est devenue, est devenue une des chansons favorites du public de Johnny. Donc, pratiquement dans tous ses concerts, il chante cette chanson. Il chantait cette chanson, pardon. Alors là, on va écouter donc un autre duo, Johnny et Lara Fabian. Ça se passait donc au Stade de France en 1998. Un duo torride avec Lara. Requiem pour un fou. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou badaud. Je tue celui qui fait un pas. Non, je ne ferai pas de galop. Éteignez tous ces projecteurs et baissez vos fusils braqués. Non, je ne vais pas m'envoler sans elle. Du ton curé, du ton pasteur. D'ailleurs, il s'aille se faire pendre. Le diable est passé de bonheur. Plus à vendre. Si vous me laissez cette nuit à l'aube, je vous donnerai ma vie. Car que serait ma vie sans lui? Je n'étais qu'un fou, mais par amour, elle a fait de moi un fou. Mon ciel, c'était ses yeux, sa bouche. Ma vie, c'était son corps, son corps. L'aimait tant, oui, que pour la garder, je l'ai tué pour qu'un grand amour. Qu'il meure d'amour. Le jour se lève, la nuit pâlit. Les chasseurs et les chiens ont faim. C'est l'heure de sonner la lannée. Et la bête doit mourir ce matin. Je vais ouvrir grand les volets. Crevez-moi le cœur, je suis prête. Je veux m'endormir pour toujours. Pour toujours. Je n'étais qu'un fou. Qu'un fou. Mais par amour. Par amour. Elle a fait de moi. Un fou d'amour. Mon ciel, c'est toi. Ses yeux, sa bouche. Ma vie, c'était son corps, son corps. Et je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tué. Je ne suis qu'un fou. Oh, tu n'es qu'un fou. Un fou. Voilà, beau duo, un requiem pour un fou, Johnny, Lara. Alors, on en parlait tout à l'heure un petit peu en démolition. C'est vrai que Johnny avait l'habitude de faire des entrées assez fracassantes sur scène. Puis je me souviens, je pense que je l'avais dit lors d'une précédente émission, Maurice Chevalier lui avait dit à ses débuts à Johnny, soigne ton entrée, soigne ta sortie, et après, le reste, tu chantes. Et c'est vrai que bon, voilà, il avait l'habitude de faire ces entrées-là. Et au Stade de France, en 1998, donc c'était le 5, 6 et 11 septembre, il s'extirpe d'un hélicoptère, il descend dans le vide, il se pose sur le toit du stade et rejoint la scène. Au total, il enchaîne chaque soir face à 80 000 spectateurs. Et je crois que l'hélicoptère était conduit par son ami Michel Drucker, si je ne me trompe pas. Et tu dis le 5, 6 et 11 septembre, au départ ça devait être le 4. Voilà, date. Oui, ok, c'est bien ce que tu dis, ce que tu rectifies, c'est vrai. Et le 4, ils avaient dû reporter, parce qu'il y avait un temps vraiment pourri. C'est la mort dans l'âme. La mort dans l'âme, Jean-Claude Camus, qui avait annoncé ça. On avait vu ça, c'est vrai qu'effectivement, ouais. Et le public, c'était chaud, hein, je veux dire, fallait le faire annoncer ça, alors que le public, il y en avait qui étaient là depuis le matin à attendre ce concert. Ah oui, bien sûr. Oui, et au dernier moment, on leur dit que c'est l'annulation. Que c'est l'annulation, et c'est sûr que ça doit être... il fallait vraiment qu'ils soient, bon, je veux dire, c'était vraiment des fans de Johnny, forcément, mais bon, je pense qu'ils ont... Ils ont compris, et puis voilà, c'était pour la technique, en fait, ça pouvait être dangereux. Avec je me souviens, quand on voit les images, les tonnes de flottes là, qui tombent, là, c'est vrai que ça pourrait être dangereux, hein, pour tout le monde. Hein. Mais le 11, il n'y a plus aussi, justement, Mais le 11, il n'y a plus aussi, c'est vrai. Ouais, mais là, il a chanté quand même, le 11. C'est vrai qu'il a chanté quand même. On retrouve Sylvie, avec cette chanson « Vivre pour le meilleur ». Gens qui cherchent la lumière en pleine nuit, des gens qui courent après l'amour et qui le fuient, des bras qui se lèvent pour un Dieu qu'ils ne voient pas. Moi j'ai ta chair contre ma chair et ça je crois. Un signe. Des femmes qui pleurent leurs enfants et restent dignes. Toi qui me rends plus forte chaque jour sans Dieu ni loi. Et quand nos corps se font l'amour, je sais pourquoi. Garder que l'amour. Vivre pour le meilleur. Titre écrit par donc le fils de Johnny et Sylvie, David, hein, sur l'album 100%. C'était un album donc, où ils ont travaillé tous les deux ensemble. Et je crois que c'est une des plus grosses ventes de Johnny sur l'album là, 100%. Alors, on va écouter une autre chanson. Alors, bon, on est déjà... et puis j'adore cette chanson-là. On est déjà dans... On commence déjà à parler de Noël. Et Johnny, il a une interprétation là, sur cette chanson que j'adore, donc qui s'intitule « Noël interdit ». Tous ceux qui n'y ont jamais cru. C'est un Noël pour les chiens sans collier, pour ce gosse de la rue que j'étais. J'aurais tant aimé croire à l'histoire. Des mauvais chemins. Une chanson pour ceux dont l'horizon est le mur sombre et gris des prisons. Noël de la nuit, mon Noël interdit. Je voudrais l'oublier avec toi, oui. Auprès de ce feu qui brille dans tes yeux, je veux être un enfant heureux. C'est mon Noël, le premier. Voilà, Noël interdit. Bon, Johnny est bien sûr toujours une belle voix, mais je trouve cette chanson, il a une voix, enfin je sais pas, c'est peut-être parce qu'il y a l'émotion en fait de la chanson, enfin dans cette chanson là. C'est en décembre 1973, donc toutes les grandes stars sont présentes au rendez-vous des fêtes de fin d'année. Donc à commencer bien sûr par Johnny avec ce titre dédié à tous les enfants malheureux. Il est disque d'or pour 500 000 exemplaires. Alors une petite parenthèse par rapport à la pochette de ce 45 tours, on voit des petits enfants, je ne sais plus combien ils sont autour de lui sur la pochette du 45 tours. Et il y a un petit garçon là qui est sur la pochette qui va devenir célèbre. Est-ce que tu sais qui c'est, Mika? Ben pas du question. Tout. Je l'ai vu à cette pochette. Tu la visualises papa, à la pochette. Mon papa avait le 45 tours. Oui, bien donc sûr. Je vois exactement ce dont tu parles. Comment qu'elle est, voilà. Pour ouais. Moi, il n'y avait pas un enfant qui a été connu par la suite, je ne vois pas. Voilà, ben en fait, c'est Renaud. Moi. Ouais. Eh ouais. C'est Renaud qui est en photo là, avec Johnny sur la pochette. Et puis, bien sûr, après, Renaud, on connaîtra sa carrière. Hein. Voilà. C'est la petite anecdote, tu vois. Ah ben, ressortez la pochette de disque, voilà. Voir sur Internet. Et puis, trouvez. Regardez, il y a la ressemblance. Hein. on prend la pochette et la ressemblance. Hein. Voilà. Voilà, donc, pour cette belle chanson. Puis, à l'approche

je n'ai pas travaillé, j'ai dit que j'étais malade. Pas de travail à faire, fils, pas de balade. Oui, parfois je me demande ce que je peux faire pour retrouver la fille de l'été. N'attendrai pas l'été. Et j'enverrai tous mes problèmes au bureau de l'Élysée. Oui, j'ai vu le président, il avait l'air étonné. J'aimerais t'aider, mais tu es trop jeune pour voter. Oui, parfois je me demande ce qu'il y a de pire que de vouloir aimer une fille en été. La fille de l'été dernier. Voilà, Mika, la fille de l'été dernier. T'as déjà, comment je veux dire, toi, quand on écoute les paroles hein, de cette chanson, voilà. Mais c'était une reprise, c'était ça je sais pense plus que le standard... Oui, ça devait être une reprise. C'est vrai que Américain. Il a fait aussi beaucoup de reprises, Johnny, hein, dans sa carrière aussi, bien sûr. Après, il a travaillé avec des auteurs bien connus, forcément. Mais dans les débuts, et même encore dans les années 70. Je souris parce que je me doutais que Marcus, notre responsable d'antenne, allait venir. Ah oui. Parce que c'est quoi alors, Eddie Cochran, c'est qui? Bravo, c'est bien ça. Eddie Cochran. Ah oui, c'est vrai. C'est pas Sweet Little Sixteen? Ouais, peut-être. Ça, c'est Chuck Berry, ça. Ah, c'est Chuck Berry, mince. Pour une fois que j'avais bien prononcé mon anglais. Voilà, amis auditeurs, auditrices, j'espère que cette émission vous aura plu. Autant que moi j'ai eu le plaisir de la préparer, de vous la présenter, bien sûr avec mon ami Mika qui était à la technique. Voilà, c'était un plaisir. Partagé. Merci. Donc voilà, c'est vrai, souvent, comme dit Marc, donc, notre responsable d'antenne, dit souvent Gilou, t'es celui qui a le plus de techniciens. C'est vrai que je suis gâté. Voilà donc ce qu'on pouvait dire, ce que je voulais dire sur cette émission, et ce que je voulais voilà faire partager à tous nos auditeurs, nos auditrices. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles aventures musicales. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire la semaine prochaine. Il faut que je contacte mon attaché de presse, enfin mon agente. Voilà. Donc je vous dis bye bye à tous, portez-vous bien et merci de votre fidélité. Merci Mika pour la technique. Au revoir, merci. Ton réveil a sonné. T'es volé. À nouveau la pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail. Tu n'as pas le moral. Tu et tes fourmis deviennent cigales. Le comme aujourd'hui dans notre équipe. Qu'est-ce qui nous rapproche des jours heureux? C'est la musique. Même avec des larmes aux yeux, on chante et ça va mieux. Pour les jours sans amour, les départs sans retour, tous les silences qui nous tournent autour. J'ai la bonne solution, simple.